Et rebonjour et bonjour à ceux qui viennent de venir. Vous êtes dans le carnet des plaines, c'est Loïc avec vous jusqu'à midi. Et pour ce lundi de mars 2026, je vous propose de vous rendre au marché hebdomadaire de Romilly-sur-Seine. Alors chaque lundi matin, vous retrouverez des producteurs, des commerçants qui s'installent dans le centre-ville. Et ils vous proposent des produits frais, des spécialités locales, du fromage, charcuterie et fruits de saison. Alors c'est une balade assez agréable pour prendre le temps d'échanger, de soutenir les producteurs et de profiter de l'ambiance vivante de ce marché. C'est le marché hebdomadaire de Romilly-sur-Seine sur la grande place près de la mairie. Allez, n'hésitez pas à rédaction@antenne87.fr.